Pourquoi tu portes ce médecin toujours avec toi? Parce que je me fais soigner. Tu te fais soigner? Qu'est-ce qu'il soigne? Comment dire? La réalité. Et toi, est-ce que tu ne te soignes pas la réalité? Moi? Alors, il me dégage. James is right here.